La chronique du directeur général du club de golf de Saint-Prime, Junior Junot, est une présentation du garage Paul Dumas Buick GMC de Saint-Félicien, qui vous invite à faire un trou d'un coup avec sa vaste gamme de camions neufs et usagés, ainsi que des voitures d'occasion pour tous les budgets. Le garage Paul Dumas Buick GMC de Saint-Félicien au 762 Boulevard Sacré-Cœur au 418-679-1605. Tout le personnel et la direction du garage Paul Dumas désirent souhaiter une bonne saison à tous les golfeurs et golfeuses. C'est la chronique du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean avec notre ami Junior Junot. Salut Junior! Salut Danny! Junior, cette semaine, on a vu ça passer sur dans le quotidien. Écoute, c'est pas du sport, mais c'est une activité qui est quand même très payante pour le club. Vous, c'est des projets miniers dans la région et ça s'est fait au club de golf de Saint-Prime. Oui, ben c'est ça. Ça fait quelques années là, que le club de golf, c'est la municipalité de Saint-Prime là, qui accueille, qui organise cet événement-là. Ça parle de ses regards vers le nord. Ouais. Ensuite, il présente là, les projets autant miniers qu'autres qu'il peut y avoir là, dans le nord du Québec. Fait que les acteurs du milieu s'y étaient présents et réunis. Puis ils font ça chaque année au club de golf. Là, ils utilisent la salle de réception là pour accueillir tout ce beau monde-là. Fait que c'était jeudi passé que ça s'est déroulé. OK. Dis-moi maintenant, on va parler il y a eu un premier gros tournoi, c'était le tournoi de la fondation de l'hôpital de Robertval, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça, la fondation de Domaine du Roi là, au profit du centre hospitalier de Robertval. Alors, ça s'est déroulé vendredi, très bien déroulé, malgré, bon, la température qui était quand même, bon, il n'y a pas plu, là, on est rendu qu'on se contente quand il pleut pas, mais il faisait quand même soleil, c'était pas chaud, fallait être bien habillé, mais par contre, les 80 ou 75 golfeurs là, qui étaient présents, ont bien aimé leur journée. C'était un excellent moyen de financement là, pour la fondation. Fait que tout s'est déroulé dans l'ordre. Encore là, c'est un tournoi qui est présenté là, au club depuis de nombreuses années. Fait que qui obtient toujours là, un excellent succès. OK. Et aussi, la date du club du tour d'ouverture est maintenant connue. Oui, c'est le 15 juin prochain, samedi le 15 juin prochain, là, qu'on va tenir notre tournoi d'ouverture avec une formule qui est ouverte à tous. Autant les membres, les non-membres peuvent venir jouer lors de cette journée-là qui va être remplie, comme on peut dire, de surprises. Le départ là, va être simultané, donc tous les joueurs vont partir en même temps sur différents trous. On parle de 9h30. En après-midi, un petit concours de potting, différentes choses. En soirée, souper, michoui avec la bouche qui rit de Saint-Félicien, michoui, bœuf, porc et agneau. Tout ça pour les non-membres, golf et souper, 35$, la modique somme de 35$. Et pour les membres, ça sera la somme, si je ne me trompe pas, de 25$. Okay. Alors, c'est le 15 juin prochain, c'est une date à ne pas manquer. Junior, j'ai une question pour toi. En passant, Danny, on s'inscrit, évidemment, les gens peuvent s'inscrire directement en appelant au club, à la boutique. Les personnes, les préposés à la boutique vont se faire un plaisir de vous inscrire. Ouais. Junior, j'avais quelque chose que je voulais te parler. Je voulais te parler de Samuel Girard. Est-ce qu'il y a un projet d'un carton pour faire un omnium Samuel Girard? Est-ce que ça peut être le club pourrait faire quelque chose? Parce que je sais qu'il y a un omnium, il y a le Decaquet Saint-Prime, il va organiser un gros tournoi. Ça va s'appeler l'omnium quelque chose de 49. Est-ce que du côté du club de golf de Saint-Prime, il me semble que ça serait une belle activité avec Samuel Girard, un omnium Samuel Girard? À ce sujet-là, bon, de un, on sait que Samuel va jouer dans la Ligue nationale, ce qui fait que il doit être en demande terriblement. Il y a des pourparlers sur certaines choses, effectivement, là, avec Samuel, mais bon, dans ça, là, maintenant, là, c'est pas seulement dire, même si c'est un gars de Robertval, qu'il y a beaucoup de gens du secteur le connaissent très bien, même qu'on l'appelle, qu'on dit Samuel, viens-t'en, on va être président d'honneur de tel événement, bon, c'est plus, plus comme ça que ça fonctionne. Ouais, là. Maintenant, il faut passer par l'agent. Les gens doivent passer par son agent. Ensuite de ça, l'Avalanche du Colorado a un mot à dire aussi dans ça. Ils doivent valider eux aussi avec... ils ont souvent des camps d'été ou des camps d'entraînement ou tant hors glace que sur glace. Fait que c'est toutes ces choses-là là, c'est qui compliquent, je dirais, un petit peu la chose. Là. Mm-hmm. Mais effectivement, ce serait le genre de joueur qui pourrait effectivement donner son nom à une classique. Là, mais pour le moment, moi, je peux pas parler. Fait que mais ton idée n'est pas bête, puis elle avait déjà été soulevée par d'autres personnes qui travaillent le dossier actuellement. Bon, ben, Julien, on s'en reparle. Qu'on peut en dire. Ouais, Julien, on s'en reparle très, très bientôt. Parfait, mon cher ami. Bonne fin de journée. Notre ami Julien.